J'ai la maîtresse t'apprend à te taire vis-à-vis la terre, mais maintenant il faut faire. À présent je gère, car à 16 ans c'est les premières galères. L'institution te donne l'impression qu'il faut une obéissance, et quand j'y pense, il y a bien des absences. Alors on sort tard et on prend du retard à cause que soit fait tard et les mesures passent tant qu'on s'en passe. Ça s'apparente à une attente qui est incertaine et quand j'implose tout se décompose autour de moi. Car quand je débarque dans la danse, cela devient intense. Alors cette présence que l'on ressent, c'est que je nous ressente. Être rêveur, c'est un honneur, mais cela peut être un leurre. Alors je préfère m'évader ailleurs. Car vouloir n'est pas acquis, car l'espoir te donne envie de percevoir. Car voir suffit pas à concevoir, et même si l'avoir c'est conquis, on peut toujours avoir le choix. Maintenant, être pertinent, je l'atteins plus de cas. Je suis pas prétentieux mais ambitieux. Alphabétiquement, je suis la fin, et actuellement je suis au prépa. Ce que t'appelles un brouillon, j'appelle un avion. Pas de reproduction mais d'évolution, car le temps file trop vite. J'ai mis au point ma tactique, tout en étant tragique. Sur le point, je suis mélodique, et quand je respire, c'est stratégique. J'essaie cette rythmique, elle t'invite à aller plus vite. Alors je fais des macros pour les collabos qui vous souhaitent que leur frérot tombe pas aussitôt dans le scénario. Et le reste qui va verra, vu. Tant, kill, air, tant. Car vouloir n'est pas acquis, car l'espoir c'est un envie de percevoir, car voir suffit pas à concevoir, et même si l'avoir c'est conquis, on peut toujours avoir le choix. Entre les deux mondes, ainsi commence la vie de jeune homme, et je prends mon taf très au sérieux d'où je commence à être autonome. Et je m'en accommode de prendre position, ça s'apparente à des décisions plus ou moins bonnes selon mes émoticônes, pour mes pronostics que j'ambitionne. Car je bouillonne de grimper un échelon dans ma logistique. La chaise m'a fait sourire quand les affaires sont fébriles et que tout commence à devenir limpide d'où je peux tout monnayer. Yeah! Cela te perce et transverse que tu te préserves du reste tout en sachant que ça te laisse des cicatrices. Car j'investis sur la crise économique, qu'on avance plus vite, qu'on va automatique et on finira tous comme des robots électroniques qui n'ont aucun mérite. Mais on continue tous notre trafic, ce petit bout de chemin qui nous poursuit et s'il n'y aurait pas le lendemain, alors on continuerait tous à être statiques. Sans inquiétude, je file sans perdre de vue l'attitude que j'ai pris. Alors arrêtons de vouloir être, mais prenons tout ce qu'on peut avoir avant que ton poste se court-circuite. Car vouloir n'est pas acquis, car l'espoir te donne envie de percevoir, car voir suffit pas à concevoir, et même si l'avoir c'est conquis, on peut toujours avoir le choix.